0. On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. C'est le tour à Jacques cette semaine. Pas mal de nouvelles. Il y a ESPN qui sort une nouvelle ce matin. Je ne sais pas si Jacques est au courant que ce serait pratiquement fait Giancarlo Stanton avec les Giants. Parce qu'on en parle avec Jacques Doucet. Salut Jacques! Salut David. Jacques, avant de parler de la nouvelle que ESPN sort, c'est Buster Olney, qui est un insider quand même très très crédible aux États-Unis, mentionne que c'est pratiquement fait Giancarlo Stanton avec les Giants. Deux petites affaires. Hier, j'ai eu Daniel Brière en entrevue pour sa biographie et je me demandais à quand une biographie sur Philippe Alou, le gars avant qu'il meure, ce serait génial. Puis je pense qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle, dans le fond. Là. Ben, je veux dire, je sais que c'est en voie de se réaliser aux États-Unis présentement. Le manuscrit n'est pas encore complet. OK. Mais j'ai eu des discussions, moi, avec l'auteur et l'éditeur américain. Et on s'attend à ce que le livre, ou du moins le manuscrit, peut-être pas final, mais soit disponible d'ici une couple de semaines. Mais il n'y a rien de décidé encore de la date de parution, autant aux États-Unis qu'au Canada. OK, donc, parce que ça, il s'en passe des biographies, puis une sur Philippe. Écoute, le bonhomme doit avoir quelque chose à dire. C'est incroyable comment il doit avoir des choses à dire, ce gars-là. Là. Oui, mais il a toujours été réticent. Moi, je sais que lorsqu'on a publié l'histoire des expos avec Mac Robitaille, on avait eu une longue discussion avec Philippe. Et Philippe... Moi, je veux pas faire une biographie dans laquelle je vais étaler des secrets là, parce que je faisais partie de l'administration d'une équipe ou quoi que ce soit, ou juste parler ouais. d'injustice ou quoi que ce soit. Il dit, moi, il dit, je suis un gars positif. Alors, dans le moment, j'ai pas trouvé un auteur aux États-Unis, que ce soit en espagnol ou en anglais, qui pourrait faire le genre de livre dont je pourrais être fier. Ah, OK, alors, OK. Apparemment, il y en a trouvé un parce que la dernière fois que j'ai parlé à Philippe, il y a quelques mois, justement, il était en discussion avec l'auteur. On okay. était après mettre au point plusieurs chapitres, là, mais c'est pas encore fin prêt pour être publié. OK, OK. Donc, est en production. J'imagine que d'ici un an, elle pourrait être traduite. Donc, j'ai hâte de voir effectivement. Mais c'est pas facile, hein, parce que je parlais avec Daniel Brière hier, là, puis de faire une biographie pour l'athlète, là, faut que tu aies confiance à l'auteur en mot à dire. Ben, c'est parce que l'athlète a toujours le dernier droit de regard. Ouais. Un athlète qui se confie à un journaliste pour une biographie, ben, il lit le manuscrit avant qu'il soit envoyé pour être mis sous presse. Là. Ouais, okay, OK. Alors, s'il y a des choses dedans que t'aimes pas, tu dis à l'auteur, ben, non, ça, j'embarque pas là-dedans. Là. Ouais, effectivement. Mais il y a des biographies qui sont non autorisées aussi qui existent. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Mais une biographie qui est autorisée par l'athlète, à ce moment-là, c'est lui qui a eu le dernier droit de regard sur ce qui est écrit dans le livre. Parce que je me rappelle d'une biographie sur le boxeur Arturo Gatti. Moi, j'avais lu le livre, puis je suis pas convaincu qu'Arturo aurait autorisé ça, parce qu'il y avait des détails croustillants là-dessus. Là. Autre nouvelle, Greg Zahn, je sais que tu le connais, c'est le pendant, c'est le gars qui était à l'émission d'avant-match à Sportsnet, a été congédié hier dans la foulée de tout ce qu'on entend, les inconduites sexuelles. Écoute, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Comme le gars d'NBC qui a été congédié mercredi, apparemment, moi je le connaissais pas du tout, apparemment que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais Greg Zahn, pour les amateurs de baseball, hier je voyais les gens, c'est dommage parce qu'il était très bon. Toi aussi tu te trouvais bon, hein? Ah oui, c'était un gars qui n'avait pas peur de ses opinions. Maintenant, la nature exacte des raisons que Sportsnet a invoquées pour le congédier, je sais pas s'il y a des... insinuations sexuelles là-dedans, mais ouais. On parle surtout de harassement. Ouais, ouais. Et de commentaires peu élogieux à l'endroit de certains de ses collègues de travail. Alors, on s'embarquera pas sur un terrain glissant. Là. OK, mais c'est un peu le Don Cherry. Hein? Est-ce qu'on peut comparer à Don Cherry du côté baseball? Ben, c'est-à-dire que Don Cherry a toujours eu des opinions très, très okay. controversées en ce qui concerne le Québec ou ces choses-là, les Canadiens ouais, ouais. français, là. Dans le cas de Greg Zahn, ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'appréciais dans le cas de Zahn, c'était que il n'hésitait pas, lorsqu'il était convaincu de son opinion, de critiquer la direction des Blue Jays de Toronto, ou même de Sportsnet pour qui il travaillait. Et on le tolérait très bien parce que, plus souvent qu'autrement, il avait raison dans ses commentaires. Ouais, mais en ce qui concerne son attitude auprès de ses collègues de travail, ça, malheureusement, je peux pas en parler parce que j'ai jamais travaillé avec lui ou été dans le giron de Sportsnet qui m'aurait permis de vérifier les accusations dont il fait l'objet. Oui, effectivement. Bon, grosse nouvelle qui est sur le point de sortir. Ça va être confirmé dans les prochains jours. Puis je pense que ça va tout débouler le marché des joueurs autonomes par la suite. Selon ESPN ce matin, Buster Olney qui sort que les Giants de San Francisco auraient une transaction imminente entre les Giants et les Marlins de la Floride. Giancarlo Stanton qui s'en irait avec les Giants de San Francisco. Moi, je me mets dans la peau d'un partisan des Marlins à quelque part. Tu sais, on vient d'accueillir Derek Jeter. Puis on a connu ça un peu à Montréal, là. Tu sais, lorsque Claude Brochu avait vendu Jeffrey Loria, il y avait énormément d'espoir. Puis finalement, l'espoir n'a pas été long. Ça n'a pas été longtemps. Sauf que j'imagine qu'en Floride, lorsque Derek Jeter a acheté l'équipe, il a dû avoir de l'espoir aussi. Puis là, on donne probablement le meilleur joueur de l'histoire de la franchise à Giancarlo Stanton. Ben écoute, ça fait déjà quelque temps que les Giants courtisaient les Marlins pour obtenir Stanton. Ouais. Dans le cas des partisans des Marlins, ben, je pense qu'ils ont déchanté au lendemain de l'achat de la concession des Marlins par Jeter, parce qu'immédiatement après, on a dit que Stanton était sur le marché. Mm. Alors, la lune de miel n'a pas été de très longue durée, là. Ouais. Parce que, écoute, on a payé le gros prix, hein, 1,3 milliard pour la concession, ouais, quelque chose du genre. Ouais. Tu vas me dire que ça comprend le stade aussi, là. Mais, dans l'ensemble, les nouveaux propriétaires, ils ont dit un instant, il faut réduire nos dépenses quotidiennes. Ouais. Parce que, je veux dire, on a investi énormément pour acquérir la concession et le stade. Alors, faut tout remettre en place. Et eux, je pense que leur objectif est de nettoyer tout ce qui était associé à l'ancienne organisation. Mm. Parce qu'il reste plus grand monde là, de l'ancienne organisation. La seule chose dont je suis très content, c'est que mon bon ami Claude Delorme fait toujours partie de l'organisation des Marlins. Pierre Arsenault fait partie des Marlins encore? Ben, je sais qu'il était dépisteur là, ouais, pour le reste des États-Unis. Je ne sais pas ça. J'ai pas vu l'organigramme des dépisteurs. Là. Okay. Je pense que ça, c'est pas une des priorités de Jeter de commencer à faire un remaniement en ce qui concerne les dépisteurs à travers les États-Unis. Lui, il cherchait surtout à réorganiser son conseil d'administration, le remettre les finances des Marlins en bon état et repartir à neuf. Mm. Et évidemment, Stanton, au prix qu'il commande, c'était peut-être un bâton dans les roues de cette nouvelle machine qui prend le contrôle des Marlins. Et eux espèrent aller chercher 3 ou 4 très, très bons joueurs, des joueurs prometteurs, évidemment. Ouais. Ça me surprendrait qu'il y ait des joueurs prêts pour le baseball majeur là, immédiatement. Là. Ça va être des, comme dirait mon collègue Roger, ça va être des suspects, mais des suspects avec un passé dans les mineurs là, qui laisse présager qu'ils pourraient réussir au niveau majeur. Oui, effectivement, mais ça reste toujours le développement. Hein? Ça reste toujours ça qui est important. La même chose. Puis, mais il y a des coups de dés qui sont plus calculés que d'autres. Ouais. Puis pour les Giants, à quelque part, le grand rival, c'est les Dodgers. Les Dodgers se sont rendus au septième match de la Série mondiale. Pour eux autres, ils ont connu une année de merde. Là, avec Buster Olney, pas Buster Olney, mais Buster Posey, et l'attaque des Giants, ça va être extraordinaire. Hein. Ah bien oui, mais ça repose toujours aussi sur les lanceurs. Hein. Ouais. Alors, on a beau produire des points, si les lanceurs en donnent plus, on gagnera pas souvent. Mais les Dodgers semblent avoir une équipe qui est très, très bien équilibrée, autant sur le plan défensif qu'au monticule, la relève et l'attaque. Ouais. Alors, ça devient une des meilleures formations du baseball majeur à l'heure actuelle. Puis là, ça va tout, parce que c'était le gros dossier là, dans le baseball majeur de Dossie Stanton. J'ai l'impression que par la suite, ça va, tout va, il va y avoir plusieurs signatures, parce qu'il n'y a pas de signature de joueur autonome. On est rendu le 1er décembre, c'est un peu rare, ça se fait quand même habituellement. Il y a quelques joueurs qui partent avant, mais Stanton, j'imagine que là, après ça, ça va tout débouler. Là. Ben, c'est parce que Stanton n'était pas un joueur autonome. Non, mais je veux dire... Ouais. Alors... Le marché des joueurs autonomes, là, il n'y a pas beaucoup de mouvement depuis la fin de la saison. Puis c'est parce qu'il y a des gros noms qui sont là, sur le marché des joueurs autonomes. Tu sais, t'as Yu Darvish, t'as Jody Martinez, t'as Hosmer, t'as Jake Arrieta, t'as le japonais, le jeune japonais, là, Otani. Là, qui est autant un frappeur qu'un lanceur, là, Otani. Ouais. Il y a Mike Moustakas, il y a Wade Davis, il y a Jay Bruce, Todd Frazier, Lorenzo Cain. Écoute, il y a énormément de joueurs qui sont disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Et là, j'imagine que ça va commencer à débouler lorsque tous les directeurs gérants seront réunis en Floride là, du 10 au 14 décembre pour les assises d'hiver. Alors, c'est là que vraiment les agents des joueurs autonomes se rendent et se frottent les mains parce que on a des discussions dans tous les coins qu'on peut être à l'abri des regards indiscrets pour savoir qui discute avec qui. Mais j'ai l'impression que ça va débouler pendant ces 14 jours-là, ou ces 4 jours-là. OK. Si on parlait maintenant des Jays, écoute, beaucoup de rumeurs actuellement. Moi, j'ai pas une grosse confiance envers cette administration-là. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais en tout cas, selon un site Fan Insider qui alimente le site Jays Journal, c'est très intéressant chez les Blue Jays. Il y a plusieurs noms qui circulent. Là, t'as Lorenzo Cain qui circule, Jay Bruce circule également, J.D. Martinez, et cette semaine, on a ajouté Nick Markakis. C'est sûr que ça va prendre des voltigeurs. Avec Bautista parti, il y a plusieurs trous, fait qu'il faut s'attendre. Mais ça au moins en prend un voltigeur. Minimum, hein, c'est le minimum, là. Ben écoute, ils sont pas mal pris au champ gauche, avec toute la relève qu'il y a là. Oui, et au champ centre, je pense que ils n'ont pas besoin d'aide là. Ils ont besoin d'un voltigeur de droite dans le moment. Vraiment. Mais les autres priorités, ils ont besoin d'un partant. Ils ont besoin d'un autre relaveur, en ce qui me concerne. Ils ont besoin d'un joueur de deuxième but. Parce que il y a trop de points d'interrogation à ce niveau-là. Puis ils ont besoin d'un deuxième receveur aussi. Ouais. Parce que notre ami il a besoin d'avoir un gars qui va pouvoir le seconder, qui va être aussi bon attaque qu'en défensive. Parce que les dernières saisons, il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Alors, il coûte cher, mais il faut le ménager. Russell, effectivement. Oui. Fait que, celui qu'on a acquis des Cubs de Chicago, ça a été plus ou moins concluant à l'entre-saison. Non, je pense qu'il y a quelques bons éléments qui poussent dans le... Mais c'est parce que là, on ne sait pas. Si on va chercher des joueurs autonomes, habituellement, tu n'as pas de joueurs prometteurs à céder en retour. Mais si tu vas sur le marché des échanges, tu ne veux pas laisser partir les meilleurs éléments de ton réseau de filiales pour renflouer une situation qui ne te garantit pas une place dans les séries éliminatoires. Effectivement. Jacques, très très intéressant. On se reparle à la fin de l'année pour la rétrospective dans le monde du baseball. Parfait, David. Le collaborateur Jacques Doucet.